Question 5. Dans cette situation, la vitesse est limitée à 90 km/h. Réponse A. 100 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D.